Le magasin d'antiquités, tome 1er, chapitre 36. Depuis quelques semaines, le gentleman occupait son appartement, refusant toujours d'avoir aucun rapport avec M. Brass ou sa sœur Sally, mais choisissant invariablement Swiveller comme intermédiaire. Or, comme à tous égards, il se montrait un excellent locataire, payant d'avance tout ce dont il avait besoin, ne causant aucun embarras, ne faisant aucun bruit, et ayant des habitudes très régulières, son fondé de pouvoir était naturellement devenu dans la famille Brass un personnage d'une haute importance par suite de l'influence qu'il exerçait sur cet hôte mystérieux avec qui il pouvait négocier bien ou mal, tandis que personne autre n'osait l'approcher. À dire vrai, les rapports de M. Swiveller avec le gentleman n'avaient lieu qu'à distance et n'étaient pas d'une nature très encourageante. Mais, comme il ne revenait jamais d'une de ses conférences monosyllabiques sans répéter quelques-unes des phrases qu'il prétendait lui avoir été adressées, par exemple « Swiveller, je sais que je puis compter sur vous » ou bien « Swiveller, je n'hésite pas à dire que j'ai de l'estime pour vous » ou encore « Swiveller, vous êtes mon ami et je compte sur vous » et autres petits mots de même nature familière et expansive, formant, selon lui, l'objet principal de leurs entretiens ordinaires, ni M. Brass ni Miss Sally ne mettaient en doute l'étendue de son influence. Ils y ajoutèrent au contraire la foi la plus complète, la plus aveugle. Cependant, à part même cette source de popularité, M. Swiveller en avait dans la maison une autre, non moins agréable, et qui pouvait lui faire espérer un grand adoucissement dans sa position. Il avait trouvé grâce aux yeux de Miss Sally Brass. Que les hommes légers, qui dédaignent la fascination féminine, n'aillent pas ouvrir leurs oreilles pour entendre ici une nouvelle histoire d'amour, et en faire un nouvel objet de plaisanterie. Non, Miss Brass, bien que taillée pour plaire, comme on a pu le voir, n'était pas d'un caractère à aimer. Cette chaste vierge, s'étant dès sa plus tendre enfance accrochée aux jupes de la loi, et ayant sous leur égide essayé ses premiers pas, n'ayant cessé depuis ce temps de s'y rattacher d'une main ferme, avait passé sa vie dans une sorte de stage légal. Toute petite encore, elle s'était fait remarquer par sa rare habileté à contrefaire la démarche et les manières d'un huissier. Dans ce rôle, elle avait appris à frapper sur l'épaule de ses jeunes compagnes de jeu et à les conduire dans des maisons d'arrêt avec une exactitude d'imitation qui surprenait et charmait tous les témoins de cette comédie et n'avait d'égal que la manière ravissante dont Miss Sally opérait une saisie dans la maison de la poupée et y dressait l'inventaire exact des chaises et des tables. Ses passe-temps naïfs avaient naturellement consolé et charmé les derniers jours de veuvage du respectable père de Sally, homme exemplaire, auquel ses amis avaient, pour sa sagacité, donné le surnom de « vieux Renardo ». Le vieillard approuvait ses jeux, qu'il encourageait de tout son pouvoir, et son principal regret, en sentant qu'il s'acheminait vers le cimetière de Hounsditch, était de penser que sa fille ne pourrait prendre place sur le rôle en qualité de procureur. Rempli de cette tendre et touchante préoccupation, il avait solennellement confié Sally à son fils Samson, comme un auxiliaire inappréciable. Et depuis l'époque de la mort du vieux gentleman jusqu'à celle où nous sommes arrivés, Miss Sally Bross avait été le plus solide appui de Maître Sampson, l'âme de ses affaires. Il est évident que Miss Bross, s'étant dès son enfance appliquée à un soin et une étude unique, n'avait pu guère connaître le monde que dans ses rapports avec la loi, et que, pour une femme douée de goûts si élevés, les arts plus gracieux et plus doux, dans lesquels excelle son sexe, méritaient à peine un regard. Les charmes de Miss Sally étaient complètement de nature masculine et légale. Ils commençaient et finissaient à la pratique du métier de procureur. Elle vivait, pour ainsi dire, dans un état d'innocence judiciaire. La loi lui avait servi de nourrice, et de même qu'on voit les jambes tortues et autres difformités provenir chez les enfants du fait des nourrices, de même, si l'on pouvait trouver quelque défaut moral, quelque chose de travers dans un esprit aussi beau, le blâme n'en devait tomber que sur la nourrice de Miss Sally Bross. Telle était la femme qui, dans la fraîcheur de son âme, fut atteinte par M. Swiveller. Il lui était apparu comme un être tout à fait nouveau, inconnu à ses rêves. Il égayait l'étude par ses fragments de chansons et ses joyeuses plaisanteries. Il faisait des tours d'escamotage avec les encriers et les boîtes de pains à cacheter. Il lançait et ressaisissait trois oranges avec une seule main. Il balançait les tabourets sur son menton et les canifs sur son nez et se livrait à cent autres exercices aussi spirituels. C'était par ces délassements que Richard, en l'absence de M. Bross, échappait à l'ennui de sa captivité. Ses qualités aimables, dont Miss Sally dut la découverte au hasard, produisirent peu à peu sur elle une telle impression qu'elle engagea M. Swiveller à se reposer comme si elle n'était pas là. Et M. Swiveller, qui n'y avait pas de répugnance, ne demanda pas mieux. Une amitié fraternelle s'établit ainsi entre eux. M. Swiveller s'habitua à traiter Miss Sally comme l'eût traité son frère Samson, ou comme lui-même il eût traité un autre clerc. Il lui confiait son secret quand il voulait aller chez le vieux marchand du coin, ou même jusqu'à Newmarket acheter des fruits, du ginger beer, des pommes de terre cuites, et jusqu'à un modeste rafraîchissement que Miss Bross partageait sans scrupule. Souvent, il l'amenait à se charger en sus de sa propre besogne, de celle qu'il eût dû faire, et, pour la récompenser, il lui appliquait une bonne tape sur le dos en s'écriant qu'elle était un bon diable, un charmant petit chat et autres aménités pareilles. Compliment que Miss Sally prenait très bien et recevait avec une satisfaction indicible. Une circonstance toutefois troublait à un haut degré l'esprit de M. Swiveller. C'est que la petite servante restait toujours confinée dans les entrailles de la terre, sous Bevis Marks, et n'apparaissait jamais à la surface, à moins que le locataire ne sonnât. Alors elle répondait à l'appel, puis disparaissait de nouveau. Jamais elle ne sortait ni ne venait à l'étude. Jamais elle n'avait la figure débarbouillée, jamais elle ne quittait son grossier tablier, ni ne se mettait à une fenêtre, ni ne se tenait à la porte de la rue pour respirer une brise d'air. Enfin, elle ne se donnait ni repos, ni distraction. Personne ne venait la voir, Personne ne parlait d'elle, personne ne songeait à elle. Monsieur Bloise avait dit une fois qu'il pensait que c'était un enfant de l'amour. Dans tous les cas, elle ne ressemblait pas à Cupidon son père. C'était le seul renseignement que Swiveller eût jamais pu attraper sur la jeune captive du sous-sol. « Il est inutile d'interroger le dragon, » pensait un jour Dick, comme il était assis à contempler la physionomie de Miss Sally Brass. « Je crois bien que si je lui adressais une question à ce sujet, cela romprait notre bonne entente. Je me demande parfois si cette femme est un dragon ou si ce n'est pas plutôt quelque chose comme une sirène. D'abord, elle en a déjà la peau d'écaille. D'un autre côté, les sirènes aiment à se regarder dans le miroir, ce que Sally ne fait jamais. Elles ont l'habitude de se peigner les cheveux, et jamais Sally ne touche à un peigne. Non, décidément, c'est un dragon. Où allez-vous, mon vieux camarade ? Dit tout haut Richard, au moment où Miss Sally, suivant son usage, essuyait sa plume à sa robe verte et quittait son siège. « Je vais dîner, » répondit le dragon. « Dîner, » pensa Monsieur Swiveller. « Ceci est une autre affaire. Je serai curieux de savoir si la petite servante a jamais rien à manger. « Sammy n'est pas prêt de rentrer, » dit Miss Brass. « Restez ici jusqu'à ce que je sois de retour. Je ne serai pas longtemps. » Dick fit un signe de tête. Il suivit des yeux Miss Brass jusqu'à un petit parloir situé sur le derrière où Samson et sa sœur prenaient toujours leur repas. « Ma foi !» se dit-il, marchant de long en large, les mains dans les poches. « Je donnerais bien quelque chose si je l'avais, pour savoir comment ils traitent cet enfant et où ils la tiennent. Ma mère a dû être une fille d'Ève pour la curiosité. Je gagerais que je suis marquée quelque part d'un point d'interrogation. J'étouffe ma pensée, mais c'est toi seule qui cause mon angoisse, » ajouta-t-il, fidèle à ses citations poétiques, en se laissant tomber d'un air méditatif dans le fauteuil des clients. « Parole d'honneur, je voudrais bien savoir comment il la traite. » Après s'être ainsi contenu d'abord, M. Swiveller alla ouvrir tout doucement la porte de l'étude avec l'intention de se glisser jusqu'à la rue pour acheter un verre de porter. En ce moment, il saisit un reflet fugitif de l'écharpe brune de Miss Sally flottant le long de l'escalier de la cuisine. « Par Jupiter, » pensa-t-il, « la voilà qui va donner sa nourriture à la servante, maintenant ou jamais !» Il jeta d'abord un regard par-dessus la rampe et laissa la coiffure de gaze disparaître au-dessous, dans l'ombre. Puis il descendit à tâtons et arriva à la porte d'une cuisine basse, un moment après Miss Brass, qui venait d'y entrer en tenant à la main un gigot de mouton froid. Cette cuisine était sombre, malpropre, humide. Les murs en étaient tout crevassés et tout couverts de taches. L'eau filtrait à travers les fissures d'un vieux tonneau et un chat affreusement maigre avalait les gouttes à mesure qu'elles tombaient du récipient avec la fiévreuse ardeur de la faim. La grille du foyer était disloquée et le foyer resserré ne pouvait contenir un feu plus épais qu'un sandwich. Tout était fermé à clé et cadenassé. La cave au charbon, la boîte aux chandelles, la boîte au sel, le garde-manger. Un cri-cri n'eût pas trouvé de quoi déjeuner en ce désert. L'aspect misérable de cette cuisine eût tué un caméléon. Cet animal eût reconnu dès la première aspiration qu'on ne pouvait pas vivre de cet air, et de désespoir il eût rendu l'âme. La petite servante était humblement debout devant Miss Sally et tenait la tête baissée. « Êtes-vous là ? » dit Miss Sally. Oui, madame, répondit une voix faible. Éloignez-vous de ce gigot de mouton, car je vous connais, vous tomberiez bientôt dessus. La jeune fille se retira dans un coin, tandis que Miss Bross prenait une clé dans sa poche, ouvrait le garde-manger, en exhibait une affreuse pâtée de pommes de terre froides qui devait être aussi tendre sous la dent qu'un caillou de granit. Elle mit le plat devant la petite servante, lui ordonna de s'asseoir en face, puis s'arma d'un grand couteau à découper et lui donna un coup pour l'aiguiser sur la grande fourchette. « Voyez-vous ceci ? » dit Miss Bross, découpant une émincée de gigot de 2 pouces de long après tous ses préparatifs et levant le morceau sur la pointe de la fourchette. La petite servante fixa assez vivement son regard affamé sur ce lambeau pour l'envisager tout entier dans son exiguïté, et elle répondit « Oui ». « Eh bien, alors n'allez plus dire qu'on ne vous nourrit pas ici. Tenez, mangez !» L'opération fut bientôt achevée. « Maintenant, vous en faut-il davantage ?» demanda Miss Sally. La créature affamée répondit faiblement « Non ». Évidemment, la réponse lui était dictée d'avance. « On vous a offert d'en prendre une seconde fois, » dit Miss Bross, résumant les faits. « Vous en avez eu autant que vous en pouviez prendre. Je vous demande s'il vous faut quelque chose de plus, et vous répondez « Non ». N'allez donc plus dire qu'on vous fait votre part, songez-y bien. » En achevant ces mots, Miss Sally poussa le plat, ferma à double tour le garde-manger, et, se rapprochant de la petite servante, elle la surveilla, tandis que celle-ci achevait les pommes de terre. Il était évident qu'une tempête extraordinaire couvait dans l'aimable cœur de Miss Bross, et ce fut sans doute ce qui la poussa, sans aucune raison plausible, à frapper la jeune fille avec le plat du couteau, tantôt sur la tête, tantôt sur le dos, comme s'il lui paraissait impossible de se trouver si près d'elle sans lui administrer quelque léger orion. Mais M. Swiveller ne fut pas peu surpris de voir sa camarade Claire, après s'être dirigée lentement à reculons vers la porte, comme si elle voulait se retirer sans pouvoir s'y résoudre, s'élancer tout à coup en avant et, tombant sur la petite servante, lui assenait de rudes soufflets à poings fermés. La victime criait, mais à demi-voix, comme si elle avait peur de s'entendre elle-même. Et Miss Sally, se réconfortant avec une prise de tabac, remonta l'escalier juste au moment où Richard rentrait fort à propos dans l'étude.